Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Auto Hebdo pour un nouvel épisode de l'Outlab. C'est votre tour de sortie du week-end. Bon, cette fois-ci, c'est le tour de sortie de la semaine d'essai, on va dire ça plutôt comme ça, puisqu'on va vous parler donc des essais hivernaux de Formule 1 qui se sont tenus mercredi, jeudi et vendredi dernier sur le circuit international de Bahreïn du côté de Sakhir. À mes côtés pour en parler aujourd'hui, Dorian Granger, comment ça va? Ça va très bien, Michael, et toi? Ça va, ma foi, fort bien. On a un magnifique soleil en plus ce matin, oui. Donc voilà. On sent que tout reprend, le printemps arrive, les saisons de sport, les oiseaux chantent, les moteurs rugissent, donc c'est beau et c'est bientôt le début de la saison, donc c'est cool. C'est poétique ce que tu dis là, Dorian, je trouve ça absolument magnifique. Pour lundi matin, C'est ça, voilà. Franchement, faut vous dire qu'on a fait un bon week-end, hein. Il y avait pas mal de choses ce week-end, mais là on va parler Formule 1, puisque donc, eh bien voilà, on a eu ces trois premières journées d'essai hivernaux. Vous le savez évidemment, il ne faut rien déduire des chronos, il ne faut rien en tirer. Nous allons donc vous donner les enseignements à tirer de ces trois journées d'essai hivernaux. Vous l'avez compris, on va quand même pas complètement tirer des enseignements, mais il y a toujours des petites choses qu'on peut retirer de ces trois journées d'essai hivernaux. On a eu pas mal de péripéties aussi pendant ces journées-là. Il a fait froid comparé à d'habitude, ce qui n'est pas tout à fait habituel justement pour Bahreïn, où on attend bien plutôt de la chaleur, on attend plus le sable qui vient. Bah là, il fallait quand même mettre les doudounes et c'était pas facile. On a eu une coupure de courant, on a eu un bus qui est rentré aussi sur la piste. Ouais, une vitre brisée, que des drapeaux rouges un petit peu insolites cette année. C'est vrai qu'on n'a pas eu de drapeau rouge pour quelqu'un qui tombe en panne de manière perdue comme ça en bord de piste. Non, mais par contre tout le reste, ça a été costaud cette année. D'ailleurs, petit aparté rapide, mais ça me fait dire quand même qu'on voit que le niveau de sécurité pour les essais hivernaux, alors niveau sécurité pilote, piste, oui, ça c'est tout à fait pareil, mais alors le reste, effectivement, on s'est fait un petit peu plus à la bonne franquette peut-être. Ah bah clairement, bah là Bahreïn n'a pas marqué beaucoup de points, hein. C'est vrai qu'en général les Grands Prix sont très bien organisés, mais alors là pour le coup pour les essais c'était un peu compliqué, hein. Surtout l'histoire du bus qui est une honte absolue, et j'espère qu'on trouvera vite la réponse du pourquoi, parce que franchement ça aurait pu être très dangereux. Si la Formule 1 voulait mettre en place le système de circuit safari comme on a en WEC au Japon, il fallait juste nous prévenir avant. Si on était au courant, on aurait trouvé ça super, on aurait trouvé ça ludique, mais là, bon, ça fait un petit peu tâche d'avoir soudainement un bus qui essaye de se mesurer au Formule 1. Mais bon, mon cher Dorian, quelques petits chiffres peut-être pour débuter d'abord sur ces essais hivernaux. Oui, bah alors on rappelle très vite fait, on va dire, les faits, hein. C'est Carlos Sainz qui a signé le meilleur temps absolu de ces essais hivernaux en 1:29.348. Des écarts qui sont très serrés, hein, parce que Lewis Hamilton il est derrière à seulement 3 centièmes. Et en général, toutes les équipes se tiennent dans la même seconde, hein. Il y a une seule équipe qui a roulé au-dessus de la minute 31, c'est Sauber. Mm-hmm. Pas vraiment une surprise, mais oui, voilà. C'est dans la continuité, malheureusement. Oui. Voilà, c'est ça. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, c'est surtout la fiabilité exceptionnelle qu'on retiendra de ces essais hivernaux, parce qu'on n'a eu aucun problème en piste. Peut-être 2-3 têtes à queue par-ci, par-là, oui. Mais très franchement, à part ça, il y a eu une fiabilité exceptionnelle. Toutes les équipes ont beaucoup roulé. Et je pense que c'est d'une manière assez logique, finalement, puisqu'on arrive sur la fin de la réglementation actuelle. Je pense que l'année prochaine, on aura un tout autre tableau, et je pense que ça risque d'être un peu plus mouvementé en piste. Oui, effectivement, c'est avec ce nouveau règlement, nouvelle réglementation châssis et moteur, donc il y aura de quoi faire, à mon avis, niveau mécanique. On a eu des petits soucis, on va dire, chez McLaren, chez Red Bull, qui passaient parfois un petit peu plus de temps dans le garage pour régler justement des soucis, mais c'était pas quelque chose de véritablement grave. C'était même parfois plus des réglages, de la confiance, du confort peut-être qu'on apportait aux pilotes, plus que des vrais problèmes à régler. Donc voilà, ça a roulé. J'ai bien aimé Haas qui les deux premiers jours se dit non mais nous on va rouler, on fait nos programmes de course, il n'y a pas de souci, tranquillement. Ils roulaient à 3-4 secondes détendre tout le monde, puis finalement voilà, ils ont réussi à aussi se remettre dans la hiérarchie. C'est très serré comme tu le dis aussi, je pense que c'est un petit peu ce à quoi on peut s'attendre quand même sur cette saison. C'est ce qu'on a vu l'année dernière, et c'est juste la confirmation finalement, c'est que toutes les équipes convergent vers sensiblement la même performance. On a l'impression quand même qu'il y a toujours les quatre top teams qui ont un léger avantage, mais très franchement, toutes les équipes se tiennent en vraiment une seconde. Bahreïn, c'est un circuit qui est assez représentatif, on va dire, de la hiérarchie, dans le sens où il y a tous les types de virages possibles, de longues lignes droites. Donc, une voiture qui performe à Bahreïn, en théorie, est censée performer un peu de partout. Et là, si toutes les voitures performent dans la même seconde, ça voudrait dire que cette année, en théorie, selon les prévisions avec les données qu'on a récoltées ces trois jours d'essai, on aura une des saisons peut-être les plus compétitives du 21e siècle, voire de l'histoire. Donc c'est assez excitant et effectivement, ouais, c'est très prometteur pour cette année. Ouais, ça donne vraiment envie de suivre. Alors effectivement, il y a ce top 4 qui est au sommet de l'hiérarchie, mais rappelez-vous de 2019 où le top 4 mettait un tour régulièrement à tout le monde en course. Là, ça ne peut pas forcément être le cas, parce que comme tout est extrêmement serré, il n'y aura pas non plus de telles différences. Et je trouve que derrière, on a noté Sauber, effectivement, qui avait peut-être plus de difficultés, mais ils étaient revenus en fin de saison aussi, hein, l'an dernier, Oui. à un niveau correct. J'ai l'impression qu'il y a un midfield qui est composé du 5e au 10e, mais que ça va peut-être changer à chaque course aussi, hein. Bah clairement, et il y a déjà des équipes qui s'attendent même à ce que des écuries de milieu de tableau remportent un Grand Prix cette année à la régulière. Donc en fait, c'est vrai qu'on peut pas vraiment tirer grand-chose des chronos cette année. C'est peut-être la première année où vraiment on est là en mode comment on tire une hiérarchie de tout ça. Oh, ce Joe avait fait 3e l'an dernier quand même. Voilà, non mais c'est Donc, ça, c'est qu'il faut faire toujours attention, mais typiquement Carlos Sainz sur une Williams qui signe le meilleur temps, ça voudra pas dire que la Williams sera championne du monde cette année. Sauf énorme surprise, Ah là, oui, là, ce serait une énorme mais surprise, là, bon, ça serait beau et effectivement. en même temps ça serait quand même un peu incroyable. Mais non, non, clairement, les temps sont pas. Voilà, on peut pas dire que Ferrari sera devant McLaren parce qu'ils ont signé un meilleur temps. Là où on peut essayer de s'appuyer, on va dire, c'est plutôt sur les longs relais, les simulations de course qui ont été faites. Sur ce point, McLaren a peut-être un léger avantage. Et c'est vraiment très relatif parce qu'on ne sait toujours pas la quantité d'essence, l'usure des pneumatiques exactement. Donc ça sera à vérifier. C'est très compliqué de tirer des gros enseignements de ces essais hivernaux. C'est peut-être la première saison où vraiment on a beaucoup de difficultés à établir une hiérarchie. Mais en même temps, c'est ce qui nous passionne aussi et c'est ce qui nous tient en haleine pour cette saison. Donc très franchement, je pense qu'on a tous hâte de voir comment ça va se dérouler à Melbourne dans 2 semaines et comment sur les 24 Grands Prix, les équipes vont essayer de progresser. Et on rappelle que cette année, c'est le début de saison est d'autant plus crucial que la plupart des équipes vont directement se pencher vers 2026 et la nouvelle réglementation technique. Ouais, en fait, c'est plus que des chronos, hein, qu'on peut tirer, c'est du body language quasiment, c'est des Oui, c'est ça. déclarations. Et là, c'est vrai que McLaren, on sent une sérénité. Ferrari, ça a l'air d'avoir bien travaillé. Mais eux, en même temps, ils ont l'arrivée de Lewis Hamilton. Ils ont voilà, tout Et ce. ils ont pris un gros risque avec une voiture qu'ils annoncent à 99% nouvelle. Et C'est on ça. l'a vu, même s'ils sont plutôt confiants, il y a quand même 2-3 points sur lesquels ils doivent encore travailler pour être au niveau qu'ils espèrent être. C'est ça. Donc eux, ils ont pris beaucoup de risques, mais bon. C'est peut-être des risques qu'ils vont payer parce que beaucoup d'équipes justement vont penser très rapidement en 2026. Donc si Ferrari mise vraiment beaucoup de choses sur 2025, Oh, ça peut les aider, sur hein. une saison aussi longue que, enfin avec 24 Grands Prix, ça peut payer à un moment donné. Ouais, et puis comme je disais, effectivement, il y a l'arrivée d'Hamilton, ce qui fait que l'engouement est tel déjà Ah que de bien toute sûr. façon, même s'ils avaient fait des essais calamiteux, on aurait dit oui, mais enfin voilà, il y aurait Mmh. du positif à en Bien tirer. sûr. Mercedes, ça a l'air d'avoir pas trop mal fonctionné, hein. J'ai l'impression qu'ils ont été aussi assez sérieux là-dessus. C'est Red Bull, moi, qui a un petit peu plus le point d'interrogation. Bon. Ce qui est encore une fois dans la logique de la fin de saison dernière. Hein. La Red Bull s'est un peu perdue pendant l'année. On a vu quand même, là aussi c'est les images hein, qui parlent, c'est vraiment regarder un peu le comportement de la voiture. Ça glisse quand même pas mal de l'arrière, elle est encore un peu instable. C'est Liam Lawson d'ailleurs qui a été le premier à faire un tête-à-queue dans ses essais. Voilà, donc on sent qu'il n'y a peut-être pas encore tout à fait cette sérénité, ils n'ont pas encore trouvé exactement comment canaliser cette voiture. Après. C'est certainement comme d'habitude, le jour où ils vont réussir à canaliser ce train arrière, elle risque d'être extrêmement efficace quand même, la Elle Red risque Bull. d'être efficace, mais après, c'est est-ce qu'elle sera efficace que aux mains de Max Verstappen ou aux mains des deux pilotes? Ouais, ça c'est Et je toujours pense que la risqué. réponse, on l'a déjà. Mais oui, clairement, Red Bull, c'est parmi les quatre top teams, c'est l'équipe qui a fait le moins sensation, qui a le moins impressionné. C'est l'équipe qui a le moins roulé aussi, on l'a pas précisé, mais ils ont eu quelques soucis, notamment, il me semble que c'est jeudi soir où le roulage a été prématurément terminé à cause d'un petit souci technique. Ouais, c'est comme tu dis, on essaye de se raccrocher un petit peu à tout ce qu'on peut pour essayer d'établir les forces en présence, et Red Bull semble, parmi les quatre top teams, la moins certaine, la moins sereine, je sais pas. Après, Red Bull et Max Verstappen ne sont pas réputés pour être les plus démonstratifs non plus. Non, c'est ça, voilà. Donc, on va garder. Comment dire, on va raison garder, si je puis dire. Un peu de réserve. Un peu voilà, de... et on va attendre Melbourne, mais globalement, si on compare Red Bull à McLaren, typiquement, on sent quand même qu'il y a un petit écart qui s'est formé ouais. Et qu'on est, ouais, comme tu l'as dit, clairement sur la dynamique de l'année dernière. Ce qui est un peu rassurant pour Red Bull, s'il y a des fans évidemment qui nous écoutent, c'est le fait que Max Verstappen, dès le premier jour, il est rentré dans la voiture et il a fait sa spéciale, c'est-à-dire qu'il s'est mis au volant. Et en 4 tours, il avait fait déjà un chrono. Enfin voilà, il avait directement... donc il fait la même chose que ces dernières saisons. Donc au moins, il n'y a pas eu un énorme souci, un énorme loup sur la voiture qui fait qu'il aurait voilà, dû rechanger un petit peu son fusil d'épaule. Je te propose un petit jeu d'Orient, rassurez-vous, hein, c'est pas la roue de la fortune, mais il va falloir qu'on se mouille un petit peu quand même hein, à un moment donné. Ah oui, alors, sinon c'est pas drôle. Moi je fais tout de suite le disclaimer officiel, moi ce que je vous annonce là c'est une hiérarchie pour les 3 premiers Grands Prix, après vous savez ça évolue très vite la Formule 1, donc je ne me bouille pas des masses. Mais voilà, on va un petit peu remonter cette grille, ça vous permettra aussi de parler un peu de toutes les équipes assez rapidement. Qui finira 10e? Bon là je pense que malheureusement pour Sauber la dernière place leur semble promise. Après comme tu l'as dit l'année dernière ils ont plutôt bien fini la saison, on va dire que c'était moins ridicule qu'en début de saison. Ils ont pour moi un meilleur line-up que l'année dernière. Gabriel Bortoleto ça va être une des attractions dans le sens où on sait il est champion de F2 mais on sait pas trop à quoi s'attendre non plus. Ouais, mais techniquement, il reste quand même l'un de ses pilotes qui a fait F3, F2 de suite. C'est ça, oui, exactement. Et surtout, voilà, qu'il va, la chance qu'il a d'être dans une équipe qui est la moins bonne, la moins performante, c'est qu'il va pouvoir apprendre sans avoir la réelle pression du résultat. Dans le sens où, vu qu'on n'attend pas grand-chose ni de lui ni de Sauber, bah, il va pouvoir faire des erreurs, pas trop, parce que... Oui, voilà, il ne faut pas qu'il froisse beaucoup la voiture. Je veux dire, il aura un an pour vraiment apprendre. En plus, il est à côté d'un coéquipier extrêmement expérimenté avec Nico Hülkenberg. On sait que pour Sauber, Audi, le projet, c'est aussi 2026. Donc 2025, je pense que le développement va être vite vu. Donc voilà, pour moi, Sauber à la 10e place, ça semble assez logique. Mais on n'est pas à l'abri de quelques bonnes surprises cette saison. Je pense qu'ils marqueront plus de points que l'année dernière, par contre. Ah oui, donc, je ne sais pas toi ce que tu en penses, Michael, mais... Je suis assez d'accord. Oui, là, de toute façon, c'est... Aujourd'hui, je les mettrai dernier. Mais encore une fois, voilà, c'est pas dernier à 5 dixièmes de l'avant-dernier. C'est pas... Voilà. Il va falloir se battre. Je pense que ce milieu de peloton, les 2 derniers points à aller chercher, quand tout se passe bien pour les 8 premiers pilotes et les 4 premières équipes, encore que je dis ça, mais on n'est pas à l'abri que, ouais, il y a 4 équipes devant, mais un pilote qui se loupe un peu, il se retrouve 12e, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. Il y aura des points à aller chercher à tous les Grands Prix pour tout le monde, il va falloir être bon, ça va dépendre. Et puis on n'est pas à l'abri de Grands Prix comme le Brésil l'année dernière, où voilà, c'est un peu le double fou, podium et... alpine, on l'aurait pas vu. Voilà, venir, c'est donc, ça. Clairement, non, je suis assez. Ouais, je me dis. Ouais, Sauber, c'est effectivement un bon endroit pour débuter en tant que rookie. Comme George Russell chez Williams, typiquement, c'est une petite structure, enfin petite, qui s'agrandit, mais une structure où on n'attend vraiment pas d'eux de marquer des points chaque week-end. Donc, il faut juste battre son équipier. Alors là, c'est ça. Et même Bortoleto, je trouve qu'on lui demande même pas de battre son équipier, parce que Russell, ses équipiers en F1, c'était Robert Kubica qui revenait après sa grave blessure et Nicolas Latifi. Oui, c'est vrai. Puis on lui demandait vraiment au minimum de les battre et de les battre correctement si possible. Là, Hülkenberg est quand même toujours vu comme une référence dans le paddock. Donc, s'il fait jouer à égal avec lui, je pense que ce sera plutôt bien vu. Et puis, voilà, il y a cette volonté. Est-ce qu'il a signé un contrat pluriannuel avec C'est ça. Au moins, plus, au moins normalement, 2026, cette, voilà, normalement, il est sécurisé il pour 2026. Il a ce côté rassurant de se dire, voilà, je ferai partie de cette aventure-là qui sera belle ou non. Ça dépendra du moteur, ça dépendra de comment tout cela évolue. 9e position. C'est là où ça commence à être un peu plus difficile. On va dire que ça va jouer... Ça va jouer entre plusieurs équipes. Pour moi, il y en a 3 qui vont se battre pour, on va dire, la 7e, 8e, 9e place. Ça va jouer entre Racing Bulls, Haas et Aston Martin. Alors, c'est très compliqué parce que c'est dur de se dire qu'Aston Martin va jouer pour la 9e place quand on sait qu'ils étaient encore 5e l'année dernière. Mais parmi toutes les écuries du milieu de tableau, c'est celle qui m'a fait le moins impression, moins bonne impression. Disons que eux, on a l'impression déjà qu'ils sont sur le programme 2026. Ouais, et bah, clairement, ouais. On peut pas les blâmer parce que eux, ils ont des énormes objectifs pour 2026 et ils ont un certain Adrien Newey qui débute aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui même, et on sait très bien que 2025, ils seront pas champions. Donc, connaissant la famille Stroll, si ça sert à rien de développer 2025, faut tout de suite passer 2026 et on peut pas les blâmer. Et j'ai peur que sur la durée. Le line-up, bon bah, Lance Stroll quoi, donc on peut pas dire grand-chose, mais sur la durée, avec le line-up qu'ils ont, même si Alonso pourra faire 2-3 exploits comme il a l'habitude de faire, je les vois mal être très performants cette année. Donc, je vais prendre un gros risque, et je vais dire Aston Martin 9e. Je vais prendre un moins gros risque en disant Racing Bulls 8e. Et As 7e. As, c'est un peu étrange parce qu'ils n'ont rien montré, mais j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup travaillé sur les points essentiels, c'est-à-dire le rythme de course. Oui, c'est ça. Et ils ont un des line-up qui m'excite le plus cette saison, avec Ocon et Bierman. Donc, allez, on va dire As 7e et Racing Bulls parce que Hadjar va débuter et qu'il aura beaucoup à apprendre et que Tsunoda, disons qu'il est dans une situation un peu complexe vis-à-vis de son contrat, on va dire la 8e place. Mais du coup, je suis très curieux de savoir ton classement à toi, parce que c'est vrai que c'est un peu la zone grise. Ouais, ça, c'est là que ça bouge, et ça bouge beaucoup. Un peu flou, ouais. Parce que moi, en 9, je mettrais quand même pour l'instant Racing Bulls. Mais bon, l'an dernier, ils nous avaient impressionnés sur les essais, et puis ils n'ont rien montré en première moitié de saison. Ils n'ont pas spécialement montré beaucoup plus par la suite, d'ailleurs. Mais là, je trouve que, ouais, ça roule. La voiture a beaucoup fait parler d'elle, parce qu'elle est très jolie, mais en piste... J'ai pas vraiment eu ce moment en me disant qu'elle avait l'air super, super bonne ou en tout cas très agile sur les plus longs relais. En 8e, tu vois, moi par exemple, Aston, je les mettrais plus haut. Mais j'expliquerai pourquoi quand je les nommerai. 8e place, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple du tout. Allez, mouille-toi, Michael. Ben oui, mais il va falloir. Non, 8e, moi je pense quand même. Je sais que ça peut en surprendre, je mettrai quand même toujours Williams 8e. D'accord. Parce que même si, voilà, il y a ce côté très positif, Carlos Sainz qui fait meilleur temps, Albon qui roule bien aussi en C4. Voilà, on a trop l'habitude avec Williams qui fait le yo-yo, qui est très bonne sur un circuit, moins bonne sur d'autres. Je ne pense pas que ça va changer cette année. Je pense que c'est vraiment peut-être l'an prochain avec un changement fondamental. Et c'est là que tous les changements implémentés par James Vowles depuis son arrivée vont vraiment prendre forme. Mmh. Parce qu'on vous rappelle qu'il nous disait notamment que... Il y avait encore ce vieux tableau Excel qui nommait toutes les pièces et tout. Donc, ouais, ils sont passés maintenant, en fait, à l'ère numérique, d'une certaine manière. Mais il faut qu'il y ait un nouveau projet, je pense. Pour moi, ça me rappelle un peu l'arrivée d'Adrian Newey chez Red Bull au milieu des années 2000, où il est arrivé en 2006. Et de 2006 à 2008, ils sont restés dans leur milieu de peloton. Et c'est en 2009, quand il y a eu un changement de réglementation, qu'il a pu refaire tout de A à Z, qu'on a pu tout remettre à plat. Donc, je m'attends plus à ça chez Williams. Donc, c'est pour ça que je les vois toujours 8e. En 7e position... Bah, je vois quand même Alpine. D'accord. Mais plus dû au line-up, qui pour l'instant est Gasly Douane, pour l'instant, plutôt que la perf. Encore une fois, tout ce qu'on vous dit là, pour moi, entre la 5e et la 7-8e place, si ça se joue en 15 points à la fin de la saison, ça ne me surprend pas. Ça va être très serré. Ça va être un coup à toi, un coup à moi. Donc je pense qu'au global, voilà, ça se mettrait plutôt comme ça. Après, quand je dis 7e Alpine, ça semble être mauvais, sachant qu'ils font 6 l'an dernier. Mais là, je m'attends quand même à une saison beaucoup plus saine que l'an dernier. Ils vont être bons du début à la fin. Peut-être que c'est ce qui va les emmener à la 5e place du championnat. Hein. Je ne m'interdis pas de le penser. C'est vrai qu'il y a cet aspect line-up et pilote qui va... Je pense beaucoup plus joué que l'année dernière. On va dire que c'est pas les performances de la voiture en elle-même qui vont vraiment déterminer le classement en championnat. Et qu'on comprenne bien, Pierre Gasly, moi j'ai aucun doute sur ses capacités. Lui, il va porter l'équipe, il n'y aura aucun problème. Mais c'est le côté, Jack Doohan va débarquer là. Ses premiers Grands Prix, il va être sous une pression monumentale. Déjà que je ne m'attends pas de base à des superbes performances de sa part. Bon, bah, en plus, avec la pression, je ne m'attends pas à ce qu'il soit excellent. Franco Colapinto, s'il arrive ensuite, encore une fois débarqué en cours de saison, il viendra aussi avec de la pression parce qu'il est mis sur un piédestal. Donc c'est là où ça m'inquiète un peu plus, c'est la deuxième voiture. Ouais, c'est vrai que Alpine, c'est un peu compliqué. Donc moi, Alpine, typiquement, je le mettrais 5e. Pour moi, s'ils sont vraiment dans la continuité de la fin de saison dernière, et ça a l'air d'être le cas à Bahreïn, c'est la meilleure des autres. Mais comme tu le dis, effectivement, il y a toujours cette interrogation autour du deuxième pilote, et Gasly ira inscrire des points quand il faudra chercher des points. Ça, c'est, je pense qu'il faut même pas en douter. Douane, sur les grands prix qu'il pourra faire, qu'il aura l'occasion de faire, ça risque d'être compliqué. Et Ecola Pinto, on sait qu'il est rapide, ça c'est pas assez indéniable. Est-ce qu'il va réussir à se canaliser pour être plus régulier et moins fautif? On verra, on reste vraiment au conditionnel parce qu'on n'a pas envie de mettre Jack, on n'a pas envie d'enterrer Jack Doohan. Jack Doohan reste pied titulaire pour l'instant. Exactement, et il va débuter en Australie. Même si, voilà, il y a quand même malheureusement de fortes chances que ça bouge d'ici la mi-saison. Mais... Disons qu'il n'a pas reçu un vote de confiance énorme de la part de ses patrons dans leur prise de parole. Quoi. C'est non, un peu très, très clairement, voilà. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal en fait entre Alpine et Williams. Je vais quand même mettre Alpine 5e et Williams 6e. Mmh. Et pour moi, Williams a un bien meilleur line-up global qu'Alpine. D'autant plus que Alexander Albon, ça va être une saison de vérité pour lui. Ah, bah c'est bon, charnière. Il affronte un pilote qui a fait ses preuves, qui a gagné des grands prix. Parce que tous les pilotes qu'il a eu avant en coéquipier, on peut pas dire que ça a été un grand niveau. Mmh. Donc, clairement. L'arrivée de Carlos Sainz va déjà porter l'équipe Williams et va aussi pousser Alexander Albon à mieux performer. Donc Williams, je les vois 6e. Mm-hmm. Ils m'ont l'air d'être... La FW47 a l'air d'être bien née. Donc pour moi, c'est pas déconnant. Mais c'est vrai que comme tu le dis, ça va être très très serré, je pense. Et ça va jouer sur des détails. Ça va jouer sur est-ce qu'un pilote sur un Grand Prix va performer, va inscrire 6 points. Parce que ça va jouer sur des 7e, 8e places. Et les 6 points vont peut-être faire gagner à une équipe 1, 2, voire 3 places au championnat. Hein. Ça risque d'être très très serré. Donc je pense que là, c'est très compliqué de déterminer de la 5e à la 9e place. C'est extrêmement compliqué de déterminer une hiérarchie. Moi, je vais rester logique vis-à-vis de nos petits pronostics que nous faisons à la rédaction. On fait ça toutes les semaines de Grand Prix et on fait, on va dire, une première feuille avant le début de saison. J'avais mis As 5e, donc je vais remettre As 5e et donc Aston 6e. Aston, moi, je les vois quand même remonter déjà parce qu'ici, bon, ça n'a pas été étincelant, certes, mais voilà, je trouve qu'il y a un travail de fond qui a l'air d'avoir été fait. Et je crois tout de même... qu'évidemment Adrian Newey est là pour travailler sur la Tour 2026, mais il va quand même instinctivement, à mon avis, quand même, voilà, s'il y a deux, trois petites choses vraiment qui fondamentalement ne sont pas bonnes sur la voiture, il peut peut-être quand même apporter quelque chose et corriger un peu le tir. Donc je me dis que, parce qu'on oublie vite que c'est les saisons à 24 Grands Prix, et même si on se focalise sur 2026, je vois mal une équipe dire après deux courses, ben voilà, pendant 22 Grands Prix, la voiture sera exactement la même. Ouais, il y a toujours des modifications, il y a toujours des petites choses, ne serait-ce que le package qu'ils doivent apporter à Spa-Francorchamps, notamment sur des circuits à moindre appui, il faut bien le décider. Et donc là, peut-être qu'Adrian Newey va forcément avoir un petit œil là-dessus. Enfin voilà, c'est tout ce genre de choses. Et As, moi, je veux être très positif et très optimiste vis-à-vis de cette équipe parce que ils ont, comme tu as dit, un très bon duo de pilotes. Je pense que Ocon, Berman, ça va faire vraiment mal. Et moi, je crois très très fort à cette gestion d'Hayao Komatsu et de tout ce qu'il est en train de mettre en place. Je les vois vraiment faire de très bonnes perfs. Un peu comme ce qu'ils faisaient en 2018-2019 quand ils avaient eu leur moment où c'était vraiment très très très haut à certains moments et puis qu'ensuite ils se sont un peu perdus, sans cette perte justement derrière. C'est vrai que là on a l'impression qu'ils savent enfin développer une voiture. C'est bête à dire, mais depuis qu'ils sont arrivés en F1, chaque année c'était plutôt bien en début de saison et ça s'écroulait en cours de saison. Et l'année dernière, pour la première fois, ça a été l'inverse. C'est qu'ils ont démarré discrètement et ils ont vraiment terminé fort. Donc, c'est vrai que, pour le coup, As montre quand même une bien plus grande solidité, on va dire, en termes de développement et en termes... on a l'impression que l'équipe est enfin arrivée à maturité grâce à Hayao Komatsu. Qui finira quatrième? Et là, ça commence à devenir encore plus intéressant. C'est plus intéressant, mais j'ai l'impression... Je vais même dire que c'est plus facile. Oui. Parce que je pense que tu seras d'accord avec moi en disant que Red Bull semble être la quatrième force du plateau actuellement. Ouais. Mmh. Mais encore une fois, je pense que ça va beaucoup dépendre du pilote. Et alors, est-ce qu'un Max Verstappen peut compenser un deuxième pilote? Je ne sais pas. Mais Max Verstappen, à lui tout seul, peut embellir le package Red Bull, le tableau, et marquer des points qu'un équipage lambda ne pourrait pas marquer. Je ne sais pas trop si je suis clair, mais... Je comprends ce que tu veux dire. Si on parle uniquement de hiérarchie et de force de chacune des monoplaces, pour moi, la Red Bull RB21 est quatrième. Oui, je suis assez d'accord. Je l'ai mis quatrième, mais encore une fois, très proche. Voilà, et sur un Grand Prix, il pourrait reprendre l'avantage, mais Oui, je les vois un peu en dessous. Principalement par cette nervosité du train arrière, par ce côté. C'est ça. C'est, en fait, si ça se trouve, je pense vraiment que c'est une voiture où Max Verstappen peut claquer 4 des 5 premières poles de l'année, mais qu'en course, ça deviendra plus compliqué. Parce qu'on a remarqué l'an dernier, hein, en course, il faut une voiture qui puisse être constante, et c'est là-dessus que Red Bull avait Ouais, dominé gérer les 2023. pneus, etc. Donc, En oui. 2023, ils avaient la voiture la plus rapide, oui, mais de justesse, elle n'était pas au-dessus de la concurrence, mais en course, elle l'était, mais des Largement. années-lumière au-dessus de tout le monde, parce qu'elle dégradait pas les pneus, elle gérait tout, et voilà. Donc c'est là où ça va peut-être faire la différence. Donc oui, moi je mets Red Bull quatrième. Troisième, bah, je pense que tu mets Mercedes aussi. Dorian ou pas? Ah, là, on a peut-être un petit point C'est de vrai que maintenant, en divergence. y réfléchissant, non, je vais quand même mettre Mercedes effectivement en 3. Mais ça va être très très serré quand même avec Ferrari et McLaren. Mercedes pour moi est une bonne surprise cette saison. Enfin, sera une bonne surprise cette saison dans le sens où j'attends beaucoup de George Russell cette saison et je pense qu'il répondra aux attentes. L'année dernière, il a vraiment pris le statut de leader d'équipe et on sent que ça lui convient assez bien. Mercedes, c'est une équipe qui, même s'il y a 2026 qui arrive, ils vont jamais rien lâcher parce qu'ils ont un standing quand même à tenir. Bien sûr. Antonelli, va falloir qu'il réponde à la pression, mais je le vois pas échouer. Il a l'air d'être bien préparé. Là, on l'a vu aux essais hivernaux, il commet pas de faute. Il est très solide sur son retour technique, sur les simulations de course. Donc, on va mettre Mercedes troisième juste parce que Antonelli est rookie et que forcément il y aura des erreurs de rookie parce que c'est fatalement l'inexpérience fait que. Ferrari deuxième du coup, parce que pour moi il y aura un début de saison qui peut être un peu plus compliqué du fait d'avoir une nouvelle voiture et du fait que Lewis Hamilton arrive dans une nouvelle structure aussi, même s'il est quand même bien préparé et qu'il a 40 ans, donc c'est un grand garçon, hein, mais ça, il a quand même passé 12 ans chez Mercedes, quoi, donc ça change aussi. Et premier McLaren parce que c'est une des seules équipes qui a gardé son line-up. C'est peut-être le meilleur line-up de la saison en termes de performance. Non, Ah, ça se joue je suis pas avec d'accord. Hamilton Moi, et je suis pas Leclerc, d'accord. mais pour moi, on va dire sur la continuité des saisons, par rapport à l'année dernière, pour moi, c'est le meilleur line-up. Et ça m'étonnerait pas que très vite dans la saison, on ait McLaren qui décide de mettre Norris en 1 et Piastri en 2 pour pas qu'il se marche dessus et donc pour essayer de récolter un maximum de points. Alors que chez Ferrari, ça risque d'être peut-être au début un peu moins clair. Donc il y a peut-être des points qui vont être cannibalisés entre Leclerc et Hamilton. Donc voilà, mais encore une fois, ça va jouer sur des détails et c'est vrai que c'est très compliqué. Mais pour moi, si je devais faire mon top 3, ce serait McLaren, Ferrari et Mercedes, troisième. Ouais, moi si je dis voilà, je dirais pareil pour le top 3 en tant que quelle voiture est la meilleure actuellement. Mais si Ferrari gagne le titre constructeur, ça ne me choquera pas non plus. Hein. Ouais, c'est ça. C'est l'axe de développement qu'ils vont avoir avec cette voiture à 99% nouvelle, comme ils aiment à nous le rappeler. C'est ça qui va être très important et très intéressant à suivre. Mais vraiment, ça se trouve, on va complètement se planter. Vous pourrez nous en parler dans Ah bah une. rendez-vous en décembre, Voilà, dans une trentaine hein. d'épisodes, eh ben vous Pour nous direz, sortir ben vous êtes l'épisode. complètement loupé. Mais je crois qu'on peut avoir une très belle saison. Et alors, encore une fois, j'aimerais aussi rappeler une chose qui va être ultra importante. On peut avoir une saison exceptionnelle et des grands prix qui ne le sont pas forcément. C'est ça où moi j'aime toujours rappeler qu'il y a cette distanciation qui existe. 2010, tout le monde voit ça comme une saison incroyable de la Formule 1. Fallait se mouiller la nuque pour regarder les Grands Prix à l'époque. Mais la saison, le feuilleton qui s'est suivi comme ça. Et donc peut-être que ce sera le cas cette année, même si les saisons de ces deux dernières années, pardon, ont été quand même agréables et les Grands Prix en eux-mêmes étaient aussi plutôt cool. Donc je pense que ça va continuer dans la même lignée. Mais voilà, profitons de cette saison-là qui va arriver parce que 2026, on n'a aucune idée de quoi ça sera fait. Ça peut être. Ça se trouve, on va revivre 2014 avec Voilà. une équipe largement Ça peut être au-dessus, donc formidable comme ça peut être terriblement difficile à suivre pendant 24 Grands Prix. Donc profitons de cette saison-là qui s'annonce indécise, qui s'annonce disputée avec des forces en présence qui vont changer peut-être tous les week-ends. Et ça va être quand même encore une fois assez, assez sympa à suivre. Donc on a hâte, ça commence dans 2 semaines. On a très Grand hâte. Prix d'Australie, 5 h du matin. Oui, mais bon, pour les braves fans de Formule 1, Oui, mais j'ai moins hâte, c'est tôt. Il n'est jamais trop tôt pour la Formule 1, Michael. J'ai moins hâte d'Orient. Ah si, si, 5h du matin, je confirme, c'est trop tôt. Si, si. Non, non, hey, on sera au rendez-vous. On sera au rendez-vous, d'habitude. Comme d'habitude, et vous pourrez suivre tout ça sur Auto Hebdo, bien évidemment. Voilà, et vous aurez ça dans le magazine aussi, vous aurez plein de choses. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous procurer le magazine cette semaine, qui sort dès aujourd'hui à 20h en version numérique. Il y aura évidemment une longue page consacrée aux essais hivernaux et à toutes les petites nouveautés aérodynamiques aussi, parce que c'est des évolutions des voitures l'an dernier. Ils ont trouvé quelques petits axes de développement quand même. Il y a des petites nouveautés à suivre et à regarder. Donc, il y a ça dans le magazine, évidemment, tout comme le WEC. Il y a l'IndyCar. Il y a pas mal de choses qui ont repris ce week-end. Donc, c'est plutôt ça, chouette MotoGP aussi. MotoGP aussi. Et puis, Championnat de France des Rallyes. Et puis, j'ajoute aussi qu'il y a toujours le guide F1 qui est disponible. Bien sûr. La Bible, on va dire, qu'il faut se procurer avant la saison. Voilà, vous avez été nombreux à nous envoyer des petits messages et des petites photos aussi après vous l'avez procuré, donc merci beaucoup. Et puis on espère qu'il vous a plu aussi ce guide F1. En tout cas, voilà. Basez-vous sur ça quand à la fin de l'année. Mais regardez, ils ont écrit ça en début d'année, mais les deux qui font le podcast, ils ont dit le contraire. On verra qui aura raison. Voilà, c'est tout. Ce sera comme ça. Merci Dorian. Merci Michael. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.